Chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus, car ils avaient peur du peuple. Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Ils en furent très contents et promirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque ». Ils lui demandèrent « Où veux-tu que nous le préparions ?»« Écoutez, leur dit-il, au moment où vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande où est la chambre où je mangerai avec mes disciples le repas de la Pâque. » Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre avec les meubles nécessaires. C'est là que vous préparerez le repas. » Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jamais jusqu'à ce que son sens lui soit pleinement donné dans le royaume de Dieu. » Il prit alors une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, confirmée par mon sang qui est versé pour vous. Mais regardez, celui qui me trahit est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir comme Dieu l'a décidé, mais quel malheur pour l'homme qui le trahit. » Ils se mirent alors à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui allait faire cela? Les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les commandent, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus grand parmi vous doit être comme le plus jeune. » Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes demeuré continuellement avec moi dans mes épreuves. Et de même que le Père a disposé du royaume en ma faveur, de même j'en dispose pour vous. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue le grain pour le séparer de la paille. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu aies affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Puis Jésus leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?»« De rien, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre, De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en ma personne cette parole de l'Écriture, il a été compté parmi les malfaiteurs. En effet, ce qui a été écrit à mon sujet va s'accomplir. Les disciples lui dirent, Seigneur, voici deux épées. Cela suffit, répondit-il. Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces mots, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. Pourquoi dormez-vous, leur dit-il. Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il parlait encore, quand une foule apparut. Judas, l'un des douze disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme? Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit, Laissez, cela suffit. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au chef des prêtres, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre, Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la puissance de l'obscurité. Ils saisirent Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour, et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit, Cet homme aussi était avec lui. Mais Pierre le nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit, Toi aussi, tu es l'un d'eux. Mais Pierre répondit à cet homme, Non, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre encore affirma avec force, Certainement, cet homme était avec lui, car il est de Galilée. Mais Pierre répondit, « Je ne sais ce que tu veux dire, toi. » À ce moment même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre sortit. Et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui couvraient le visage et lui demandaient « Qui t'a frappé? Devine !» Et ils lui adressaient beaucoup d'autres paroles insultantes. Quand il fit jour, les anciens du peuple juif, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'assemblèrent. Ils firent amener Jésus devant leur conseil supérieur et lui demandèrent, « Es-tu le Messie? Dis-le-nous. » Il leur répliqua, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Vous le dites, je le suis. Alors ils déclarèrent: Nous n'avons plus besoin de témoins. Nous avons nous-mêmes entendu ses propres paroles.